Cafeína. Cafeína. Je me lève le matin, j'ai la tête à l'envers. Les pieds à terre, j'enfile ma combinaison de combat. Je veux pas m'arrêter là, alors je descends en bas. Coupe, coupe de jus de cacao et je regrette aussitôt. Pas le temps de paniquer, il faut y aller. J'ouvre une porte et je me retrouve dans mon siège de pilote. J'ouvre une porte et je me retrouve dans mon siège de pilote. Je mets le poste et le contact s'enclenche. Je mets le pied sur l'accélérateur et pars en vitesse. Sans cesse il y a la baisse dans ma caisse. Faut pas que je me blesse dans mes gestes. 15 bornes et 3 villages surpassés, j'arrive. Yeah, yeah, yeah, attention au virage. La route est droite, c'est pas que je sois maladroit. Mais au fond, je crois à mes plus beaux choix. L'été comme hiver, ma nature, je la vois. Arrivé en vrac, préparation de camion. Mais avant, salutations des compagnons. Et post-café, oui déjà. Nous exprimons tous des opinions différentes. Et cette union nous rappelle que la diversité de la population a enclenché comme fonction une diversité mixte. Passons à la suite. Rendez-vous au lieu de travail. Après un trajet en camion, à moitié endormi. Oh. Le conducteur stoppe la machine. Si on n'a pas oublié quoi faire, alors on peut commencer. Nous travaillons par équipe. On n'est pas les Blanche-Neige et les Sept-Nains, mais presque. Une fois à midi, nous partons manger 4 graines de riz. On n'est pas au régime, mais moi je fais pas de la gym. Alors j'ai faim, et vient la pause des 20 minutes, chrono. Attention au virage, la route est droite. C'est pas que je sois maladroit, mais je au fond, je crois que j'ai mes plus beaux choix. L'été comme hiver, ma nature je la vois. C'est reparti, on prend le même jeu et rebelote. Le travail, quoi. Le travail doit s'achever en une journée si possible. Alors c'est l'heure de partir. Déjà oui, pour finir, se réjouir d'avoir rendu service à la communauté. Une fois au bercail, je te raconte le travail qu'on a fait. Tout en fumant une clope, un petit regard par-ci. Et me revoilà pour demain, si le temps n'est pas un chien. On nous gardera pas sa raison d'être. Caféine. Caféine. Mon choix. Maladroit. Faut y croire. Nos choix. Maladroit. Faut y croire. C'est ta voix.